profiter. Vraiment, je ne sais pas quoi je peux vous dire encore. Merci, merci, merci beaucoup. Même si vous allez chez vous, hein, continuez de prier pour maître. Que le bon Dieu le protège. Parce qu'il a un combat avec lui. Oui. C'est tout, maître. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, je n'ai que le numéro. Prenez le numéro rapidement si vous voulez. Ceux qui veulent. C'est le 06. Tiens, tiens, tiens. 06 35 16 37.